rappelons hier. On a progressé depuis, inventé et découvert. On a découvert le feu et pris goût à la guerre. La chasse, le graffiti existe depuis l'âge de pierre. On a inventé le langage, puis la communication. Compris les avantages de la fornication. Mais n'arrivons pas à percer le secret de notre apparition. On a écrit les livres saints au cœur des guerres. Du plus fort, on a inventé l'autorité qui consiste à faire des morts pour se faire respecter. Et oui, dès lors, se sont imposés les chefs de clan, alors sont apparus les révoltés. On a inventé, c'est plutôt regrettable, ce qui fait qu'aujourd'hui t'en as rien à manger sur leur table. Je te parle de la monie, en grande partie responsable des clivages sociaux, mais l'abandonner serait inconcevable. Le voyage, et pour ne pas partir à perte, on a inventé l'esclavage. Du voyage à la conquête, l'Europe a fait des ravages. Indiens, Incas, Maya, Aztèques se souviennent de notre passage. Nous n'avions pas conscience que ces civilisations étaient plus en avance que nous-mêmes ne l'étions. Mais c'est la différence, la soif de pouvoir qui, dit-on, a été à l'effervescence des dictateurs que nous connaissons. D'avoir inventé l'école, assimiler les secrets de la poudre à canon, de la boussole. N'arrêtons pas le progrès, nous avons trouvé dans le sol de quoi alimenter nos précieuses lampes à pétrole. L'écologie ne nous posait pas de problème, la technologie éclairait l'espèce humaine. Nous ne portions pas d'attention à tenir l'ozone saine, mais aujourd'hui on se retourne pour voir où ce chemin nous mène. On a ensuite réalisé, ce serait fatal, nucléaire, pétrole. Dans les mers auront raison notre espace vital. Alors qu'on a pris l'argent des gens et inventé la conquête spatiale. Puisqu'on a fait de la planète, autant s'en trouver une moins sale. Se prenant peut-être pour des dieux, voulant comprendre et maîtriser. C'est le clonage, les OGM qu'on a décidé d'inventer. Bah c'est pas fameux, mais j'ai oublié de vous parler de ce qu'on a fait de mieux et qui me permet de chanter. La musique est une universelle, apaise l'esprit, accomplit des merveilles, les vibrations sont aériennes. Il devient alors clair que le tube cathodique n'est pas la plus belle invention de l'homme si on regarde son historique. Les dégâts que la télé peut causer en semant la panique, propagée par les JT devant lesquels se presse l'opinion publique. Heureusement, l'homme a inventé les do, ré, mi, fa, sol, la, si. Qu'a-t-il fait de mieux de la création à aujourd'hui?